douce nuit que j'aimais tant. Douce nuit, deux enfants se regardaient si tendrement. J'ai gardé le souvenir de tes lèvres corail qui s'écartaient pour m'offrir la neige de l'émail. Douce nuit, deux enfants s'émerveillaient à chaque instant. Wow, wow, wow. Deux enfants découvraient les premiers rayons du printemps. Une peau si douce qu'on aimait s'y promener. Une peau si fraîche qu'on aimait s'y reposer. Nous caresser de part.